بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية. تمدمج يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم واقتفى. Donc avant de prendre la correction de l'exercice, hier, j'ai oublié les vocabulaires. Parce que le terme, il est mal fermé. Al-kalimatul jadida, kam, c'est combien? Kam, lorsque tu demandes. Pour l'istifham, on avait dit que c'est combien? Kam, amruk. Quel est ton âge? Kam, amruk. Al-eid, c'est la fête. Le quartier, c'est le hay. قال الركعة معروف ركعات تمام من الخيار العجلة لبنه لهو تمام بس لهو وعجلات سوسمبلال الريال معروف ريالات المونة تمام معروف المسترة سلاغك مسات مساتير سي لاغك بتو لبيرد دون رغ سي با لاغك لان القاعدة لكن لاغك بتخصص كي بخوي لابلي مسترة. Parce que mistara, c'est ismul ala. C'est l'instrument que tu vas utiliser pour souligner. Parce que pour souligner, tu dis quoi? Ala, c'est l'outil. Parce qu'on va voir, il y a des wazn, il y a des awzan. Ah ouais, on peut voir. Adouya, des outils? Hein? Adouya, c'est plus dans la cuisine. Là, ala. Ala, alat. Adouya, c'est un drapeau. Liwa, son pluriel, c'est adouya. Toi? Wal. Adawat. Adawat. Adawat, c'est plus ustensile. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre l'ustensile et l'outil? Ouais, c'est clair. C'est pour la. Ouais. C'est clair. Tu vois, Alat, tu rajoutes un. Parce que dans l'arabe, tu peux. Tu as des mots qui vont être dans. Tu as des moules spéciales, des waz pour l'ism al-makam ou ism al-zaman. Le nom de lieu et le nom de temps. Ou à Kadalika, Ismul Ala, des instruments que tu vas utiliser, Mathalan, tu vois. Mathalan, la raquette. Comment ils appellent ça en arabe? Ils appellent l'instrument que tu prends pour taper. Ils appellent ça quoi? Midrab. Ça vient de Daraba, ensuite tu rajoutes le mot Mi, et ça te fait le Ismul Ala, l'endroit que tu utilises, l'instrument que tu utilises pour faire. Mistara, ça vient du verbe Satara. Satara, c'est quoi? Souligner. Donc l'instrument que tu vas utiliser pour souligner. Mistara, tu vois. Et ce qui a été souligné, ça c'est comment? Moussattar. Ou mastour. T'as? Naram, je crois, ouais, Naram, on avait oublié un truc, c'était quoi? Ma'djaroun. Mais je sais pas si c'est le but de la leçon. T'as? Moi j'ai l'autre. Ma'djar, je ne sais pas si c'est le but de la leçon. La kolaha, ça veut dire, hein? C'est un commerce. Et ouais. T'as? La fête de la rupture du jeûne. Non. Aïdoun, le pluriel, c'est. Ayad. Non. Fête du sacrifice, j'ai Aïd al-Adha. Et année, j'ai Sana. Et son pluriel? Sanawat. Au Sinin, tu veux dire. C'est Barra Sinin, tu vois, fille Youssouf. Et on va lire la 19. Qala. الدرس التاسع عشر المدير قام قال كم طالبا جديدا في فصلك يا شيخ combien a-t-il de étudiants nouveaux dans votre classe يا شيخ قال فيه عشرة طلاب جدود فيه عشرة طلاب جدود donc il y a 10 nouveaux étudiants donc là vous allez voir comment on fait lorsque tu comptes le tamyiz c'est-à-dire 10 c'est le nombre le tamyiz c'est quoi c'est le dénombré tamam le dénombré là il faudra qu'il soit quoi lorsque on va le voir inchallah lorsque c'est entre 3 et 10 il faut qu'il soit au pluriel le dénombré il faut qu'il soit au pluriel asharatu il n'a pas dit talibin tulabin et kadhalika entre 3 et 10 ce qui vient derrière c'est quoi il est mudaf ilay donc il y a une idafa entre le nombre et le dénombré asharatu tulab entre 3 et 10 le dénombré le tamyiz là c'est quoi c'est tulab il doit être quoi entre 3 et 10 pluriel tamam et il doit être mudaf ilay et le nombre si jamais le dénombré il est masculin le nombre il faut qu'il soit féminin et l'axe tamam 10 طلاب il a pas dit 10 ou 10 il a pas dit 10 c'est 11 là là 10 pas 11 entre 3 et 10 tu peux dire 10 tamam il a pas dit 10 parce que 10 c'est féminin 10 c'est masculin parce que les nombres t'as du féminin, du masculin dans l'arabe. En français, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'il y a ? 1, 2, mais il n'y a pas 3. Les 3, ça n'existe pas. Écoutez, écoutez. Donc, achara, c'est-à-dire que le nombre, il faut qu'il soit quoi ? Si jamais le dénombré, il est masculin, tolab, masculin ou pas ? Talib. Si jamais le dénombré, il est masculin, le nombre, il sera féminin. Ça, c'est la règle pour le nombre. Et l'axe, qu'est-ce qu'il y a ? Si le dénombré, il est féminin, le nombre, il sera quoi ? Masculin, ça c'est entre 3 et 10. T'as? Ensuite, le dénombré, c'est-à-dire ce qui vient après le nombre, il faut qu'il soit quoi ? Pluriel. Et mudaf ilayhi, comme tu as dit, nakara. Il a dit fihi asharatu tullabin jadid ou jududin. Judud, c'est quoi ? Na'at. Na'at, t'as? Qala min aynahum ? D'où viennent-ils ? Akulluhum min baladin wahidin. Est-ce qu'ils viennent tous d'un seul pays ? Kulluhum, akulluhum, est-ce qu'ils. Kul c'est tous. Donc ce qui vient après kul, généralement c'est quoi? Mudafun ilayhi. Kulluhum. Ils sont tous, sont-ils tous yani, dans un même pays? Kul c'est quoi? C'est daf. Kullukum. Kul. Kul c'est. Non. Ismun yadul ala ismun jam. Ça ismun yadul ala jam. Kullu. Je peux pas te dire kul pour واحد. Min alfad al-umum. Wa huwa aqwa alfad al-umum. قال لهم من بلد مختلفة ils viennent tous de pays différents مختلفة différent من بلد مختلفة بلد pluriel de بلد قال منهم ثلاثة طلاب من فلبين parmi eux il y a trois étudiants de Philippines ثلاثة طلاب donc regardez ثلاثة féminin طلاب parce que le dénombré il est quoi il est masculin le dénombré il est mudaf ilayhi parce qu'il a dit طلاب il est nakara il est pluriel طلاب قال وأربعة طلاب من اليابان نفسه. Donc quatre il y en a parmi eux sont viennent du Japon. وطالب من الصين et deux étudiants sont de la Chine. وطالب واحد من ماليزيا et un étudiant qui vient de la Malaisie. قال في فصلك طلاب من أمريكا y a-t-il des étudiants qui viennent d'Amérique dans ta classe? قال نعم فيه سبعة طلاب من أمريكا نعم. نعم سبعة parce qu'on va le voir à mon avis dans la 20 ça va être l'axe. Donc il dit Naam fihi. Le ha il revient à quoi? Face la classe. Donc dans ma classe il y a 7 étudiants qui viennent des États-Unis ou de Naam d'Amérique. Ahum judud sont-ils nouveaux? La hum kudama. Tu peux dire kazalika kudama. Il y a deux pluriels. Hum kudama ou bien kudama. Ils sont anciens. C'est-à-dire que ils sont pas nouveaux. C'est le dit de. C'est l'inverse du contraire de nouveau. Qala kam taliban fihi min Urubba. Il y a combien de personnes qui viennent de l'Europe? Comme les étudiants qui viennent d'Europe. قال فيه خمسة طلاب من إنكليترا وثمانية طلاب من ألمانيا. Et huit, donc il y a cinq élèves qui viennent d'Angleterre, cinq élèves qui viennent d'Allemagne, وستة طلاب من فرنسا, six qui viennent de France, وتسعة طلاب من اليونان, حفوان, qui viennent de la Grèce. Yunan, c'est la Grèce. Ouais, Yunan, c'est la Grèce. C'est quoi, c'est la Hollande ou quoi? Non. J'ai lu, il y a. قال بعد ذلك شكرا يا Cheikh, shukran ya Cheikh. Yani, il le remercie. Merci. Donc là, ça va être l'adat. Ça va être l'adat. Et le c'est quoi, c'est le compteur? C'est le, non, l'adat. L'adat, c'est le compteur. L'adat. L'adat, l'adat, c'est l'instrument qui va compter. Mais l'adat, c'est le chiffre. Et le ma'adoud, c'est le chiffre. Donc vous faites l'exercice numéro 1 et 2. Et le reste, on fera après. Donc le premier, c'est quoi? L'écran octo. Tu lis, tu recopies. Donc là, vous avez, comment tu lis de 3 jusqu'à 10. Ensuite, la même chose pour le 2. Tu écris et tu lis. Et on fera, Inch'Allah, la suite et la grammaire. Les règles de la grammaire de la leçon numéro 19. Mais c'est ça. Ce que vous avez, en résumé, là, ce que je vous ai dit. De 3, les nombres de 3 à 10. Là, on a vu 1 et 2. 1 et 2, ma'ruf. Tu dis talibun wahidun. Ça sera quoi? Bainahuma ish na'at. Il y a entre les deux na'at. Lorsqu'il y a deux, taliban. Tu rajoutes quoi? Le halama des tathniyah, du duel. Lorsque c'est entre 3 et 10, si jamais le dénombré, il est féminin, le nombre, il sera quoi? Masculin. Ça, c'est le premier truc. C'est ce qui vient après. Asharatu tullab. Non, le chiffre, c'est le nombre. Asharatu tullab. Ce qui est dénombré, c'est quoi? Les étudiants. Les étudiants. C'est-à-dire que si les étudiants, le dénombré de là, qui est étudiant, c'est masculin, le chiffre, il sera quoi? Féminin. Ah ouais? Ah, c'est l'axe. Yeah. Si jamais, yani, donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Entre 3 et 10, le dénombré, il sera quoi? Pluriel. Tu ne diras pas Asharatu Talibin. Tu ne pourras pas dire ça. Asharatu Talibin, tu ne dis pas ça. Mais tu diras Tullab, tu le mettras au pluriel. Le dénombré, ce qui vient après le chiffre, il sera en pluriel et il sera quoi? Mudafun ilayhi nakira. Dès que c'est plus de 10, là. De 3, entre 3 et 10. مع تحية دمات.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.